Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter. Enfin, on va résumer dans cette kalima les règles du nouveau-né. Et on va essayer de faire dans l'ordre, bi-idhnillah, azza wa jal. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen. Cours numéro 1. Nous demandons à Allah azza wa jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimounes. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير وقال سبحانه وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم في هذه الآيات تبين الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل هو الذي يرزق لمن يشاء من عباده الذرية من ذكور أو إناث سبحانه وتعالى يجعل من يشاء عقيما بحكمته وقدرته عز وجل فمن نعم الله عز وجل فاعمل بيان فضل الله سبحانه وتعالى أنه يرزق des enfants à qui il veut. Ça peut être un garçon, ça peut être une fille, ça peut être des jumeaux. كذلك الله سبحانه وتعالى il peut éprouver la personne il le rend stérile. والمؤمن على كل حال يحمد الله. أما الكافر المجرم الفاجر أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يغكر بالنعمة أبدا لا نعمة الولد ولا غيرها. قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. إذا بشر أي الكفار المشركون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كفار قريش أو قبل النبي عليه الصلاة والسلام في الجاهلية كان أحدهم إذا بشر بما ضرب للرحمن مثلا أي لفي سي on lui annonçait أن sa femme elle a accouché d'une fille alors que هو هذا المشرك المجرم il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a des filles. Quand c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala ça ne le dérange pas alors que c'est batil. Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. أما quand c'est pour lui هذا المجرم il ne reconnaît pas النعمة alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a رزق cette fille. قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا أي من شدة الحقد وهذا غاية في كفر النعمة أن dès qu'on lui annonçait هذا المشرك أن sa femme a accouché d'une fille son visage il change de couleur مسودا il devient noir والعياذ بالله لأنه il veut pas de fille. Il veut des garçons, faqat. Hada c'est hal al-mujrimin. Amma al-muslim, yahmad Allah azza wa jal. C'est un garçon, yafrah. C'est une fille, yafrah. Yafrah. Al-kull min khalq Allah azza wa jal wa min ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-kafir, فمن شدة البغض ومن شدة كفر النعمة فيتغير لونه ووجهه والعياذ بالله. فنعمة الولد نعمة عظيمة يجب على المسلم شكر هذه النعمة. Ça soit un garçon, une fille, des jumeaux. Ou Allah subhanahu wa ta'ala qadra alayhi qu'il n'a pas d'enfant. Il est stérile ou sa femme est stérile. Yisbir. Wa yahmadillah. Wa qala azza wa jal. Wa asa an takrahu shay'an. Wa huwa khayrun lakum. Ma tadri anta il est le bien pour toi. Peut-être que si tu as des enfants, ça ne sera pas un bien pour toi. Tu n'arriveras pas à les éduquer. Ou ils peuvent t'égarer. Ou fitna. Wa al-ayadu billah. Peut-être que si tu as un garçon, ça ne sera pas un khayr pour toi. Peut-être que si tu as une fille, ça ne sera pas un khayr pour toi. Fala tadri. Anta ala kulli hal, tu fais l'asbab wa tashkur Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha shukr. Shukr hadhihi an-ni'ma al-'azima, ni'mat al-walad yakun bil-qalb. أي الاعتراف بأن هذا الولد من خلق الله. إذا الله سبحانه وتعالى كتفسيرته. أما أنت تنسبب فقط تنكوز. أما إذا الله سبحانه وتعالى كخير ستنفق كتلادني سبحانه وتعالى. كذلك يكون باللسان وبالأفعال. شكر هذه النعمة تكون كذلك باللسان وبالأفعال. وسنلخص في هذه الكلمة بإذن الله عز وجل شيئا من أحكام الشرعية المتعلقة بالمولود. أحكام شرعية متعلقة بالمولود. وهذا من شكر الله. أن سيت ان انفون تو لو في العقيقة تو لو دون ان برينو شرعي كي خالف با الدين. Ma l'éducation et l'akhirat, tout ça c'est min shukr hadhi an-ni'ma. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné cet enfant, fa anta tu dois te comporter et réagir avec cet enfant bi shar'illah, pas comme tu veux toi ou comme il veut foulan. Là cet enfant il a un haq et il te demandera des comptes yawm al-qiyamah si tu l'as mal éduqué ila akhirah. Fa la shak anna at-tarbiyah wa العمل قبل هذا بهذه الأحكام المتعلقة بالمولود من أعظم شكر الله عز وجل في هذا الباب. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد. فأنا أريزمي في هذه الكلمة لغجل جنوبوني ونسأل الله سبحانه وتعالى بإذن الله عز وجل. وغالب الكلام أو جل هذا الكلام استفدناه من كتاب تحفة المولود بأحكام المولود لشيخ الإسلام العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له. فإلى كتاب في هذا تحفة المولود بأحكام المولود فيستفاد منه. فنحن هذه الكلمة عبارة عن تلخيص هذا الكتاب ونضيف ما يحتاج إليه من كلام أهل العلم. أولا قبل أن نبدأ في الأحكام avant de rentrer dans la mas'ala qu'est-ce qu'il faut faire quand la personne a un enfant. أولا نذكر نعم نتذكر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أبو داود والنسائي والإمام مقبل بن هادي في صحيح المسند حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوج الودود Al-Walud. فإني مكاثر بكم الأمم أو الأنبياء يوم القيامة. هذا الحديث الصحيح يتمط أيها المسلم أن le fait d'avoir niya, de faire des enfants في دين الإسلام c'est un maqsad شرعي. C'est un maqsad شرعي. Et c'est une chose que le musulman il doit avoir la niya, il doit avoir l'intention يعني si peut d'avoir des enfants. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تزوج الودود الولود. الزواج أولا. ثم un des buts du mariage قال فإني مكاثر بكم الأنبياء. أي تكثير هذه الأمة. تكثير هذه الأمة. وتعلمون أن الكفرة قديما وحديثا إقامة هذه الأمة. ومن أساليبهم الآن de limiter les naissances. Ce qu'ils appellent le contrôle des naissances. وهم بهذا يحاربون الإسلام. لأن هم ils se marient de moins en moins, ils font de moins en moins d'enfants. فلا شك أن الأمة الإسلامية si on applique ce hadith, لا شك أن الأمة بإذن الله elle sera أكثر وأكثر. هذا هو الحديث من مقاصد هذا الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا أمر الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. فأولا أن المسلم يفوك لستنية. فالبروفيت صلى الله عليه وسلم نوزا مدخي في حديث معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه. التنبيه الثاني كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأمته كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم dans ce deuxième hadith il te montre أن avant d'avoir les rapports المسلم il doit avoir un comportement. Et parmi ces comportements الدعاء بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا الدعاء ينبغي للمسلم قبل أن يجامع أهله أن يذكر هذا الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره الشيطان أبدا. لم يضره الشيطان أبدا. هذا الآن c'est parmi une des plus grandes causes في صلاح الولد. أي avant qu'il y a ce ولد le prophète صلى الله عليه وسلم il t'a montré une cause. Si tu fais ce دعاء et Allah subhanahu wa ta'ala il t'a قدر un enfant, le shaitan il fera pas du mal à ce ولد. Cheikh Ibn Uthaymeen alayhi rahmatullah il a nubah أن هذا c'est un سبب. Il peut avoir un مانع. Ça c'est un سبب فقط. Il peut avoir un مانع. أي une chose qui empêche هذا. مثلا il y a des musulmans ils font ce دعاء ثم son enfant il s'égare plus tard. C'est-à-dire qu'il dit pourquoi il s'est égaré alors que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il a bien montré que c'est un سبب فقط. أما si un مانع une mauvaise éducation ou cet enfant il se mélange au kuffar, il n'apprend pas l'ilm, il ne fait pas les efforts, la chak anna c'est des choses, c'est des mawani. Ces choses elles vont empêcher la cause que le père il a fait avant de faire les relations. Hala amrul muhim. Fa min hadha al-bab al-walid il fait toutes les causes pour que son enfant bi'idnillah azza wa jal il soit guidé. Parmi les premières causes il fait ce dua Allahumma jannib ash-shaytan wa jannib ash-shaytan ma razaqtana. Thumma dès que l'enfant est né il y a des autres causes. Il y a des autres causes. L'éducation, il a créé l'ilm, il écarte des gens mauvais, des endroits mauvais. Et bien là, cet enfant, il a toutes les causes pour qu'il soit guidé. Incha'Allah ta'ala. ننبه أن وضع المرأة في هذا الزمان في كثير من الأماكن يد مخالفات، أن سي الله سبحانه وتعالى يقدر سكوب un enfant et la femme elle tombe enceinte، لابد أن المسلم يعني يتحرى un endroit، أي مسلم si sa femme est enceinte et elle va accoucher، il fait tout son possible pour que cet accouchement il soit selon la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام. فتعلمون الآن أن خاصة في بلاد الكفر حتى في بلاد المسلمين للأسف les hôpitaux ou les maternités se mixent. بل ربما أن celui qui va faire accoucher cette مسلمة ربما c'est un رجل c'est un homme أحيانا بلا حاجة يا أكن حاجة خاصة s'il y a des femmes elles ont les moyens elles ont la possibilité فلا بد للمسلم ينتبه et dans ce cas-là il doit pas faiblir il pose sa femme dans un endroit au moins il dit qu'est-ce qui se passe un homme il rentre un deuxième أحيانا ils emmènent des étudiants en médecine ils s'entraînent فهذا لا ينبغي ta femme c'est pas un cobaye c'est une مسلمة et أنت مسؤول عنها ف المسلم ينتبه من هذا ينتبه et il fait les causes avant au 6e mois, 7e mois, 8e mois de grossesse il a déjà comment, il sait déjà comment il va faire il sait qu'elle va accoucher dans cet endroit c'est cette femme qui va s'occuper d'elle et il fait tout pour s'éloigner de la mixité et غير ذلك من المفاسد في بلاد الكفار فكما تعلمون فيصعب c'est dur جدا لأن il y a trop de méfaits trop de contradictions à la sunna si t'es tout seul tu peux faiblir يا هذا الحال c'est une chose كذلك qui montre أن vivre avec les كفار يعني فيها أضرار كثيرة حتى dans cette petite مسألة dans un pays مسلم c'est clair هذا C'est clair, dans la plupart des endroits, la femme elle accouche avec, c'est une femme qui l'aide, la sage-femme comme ils appellent, il a fait des choses. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Et le musulman il comprend des choses que le kuffar il comprend pas, que le kafir il comprend pas. Amma fi bilad al-kufr, une petite mas'ala, ça peut devenir, des choses qu'ils comprennent pas. Wa tat'ab kathiran pour une chose qui est très simple. والله المستعان فنبدأ فأولا إذا قدر الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة ولد إذا قدر الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة ولدا ذكر أو أنثى فيستحب التبشير البشارة بهذا الولد قال عز وجل فبشرناه بغلام حليم وقال سبحانه وبشروه بغلام عليم ولو فتنوا ستبن نوبل سمن شكر الله عز وجل t'annonces la bonne nouvelle que tu as eu un enfant. Shukran lillah azza wa jal. Tu sais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a facilité et qui te l'a donné. Qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wulidali al-layla waladun sammaytuhu Ibrahim. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam il annonce la bonne nouvelle à ses compagnons. Cet enfant ou cette nuit Allah subhanahu wa ta'ala il m'a rzaq un enfant je l'ai appelé Ibrahim كذلك يستحب التهنئة celui il entend cette nouvelle فيستحب له أنه il va vers le père et il lui fait du'a qu'Allah il mette de la baraka dans cet enfant qu'Allah il le guide qu'Allah il le préserve il a akhri amma fil bab il n'y a pas un du'a spécifique qu'est-ce qu'on doit dire مثلاً pour le mariage il y a un du'a spécifique بارك الله لك إلى آخره أما أما في الولد يبقى أن دعاء سبيسيفيك. بعض السلف ينقل عن أيوب عن الحسن رحمهم الله دي دعاء, لكن عن النبي عليه الصلاة والسلام يغيان دو ثابت. فهذه الأمور سبيل العرف, سبيل العرف البركة لا قيدي كالله سبحانه وتعالى اللي بخزر إلى آخره. قال ابن القيم رحمه الله ولما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه استحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه. كلام من تحفة المودود. ابن القيم يتمط أن لا شك كسي تفيد دعاء أبير كي بخزر صن أفان كي لغي دي الأخير, لا شك كسا رن أورو سبير سمسلم. المسلم يدي أدي العامة كي مطر كي il doit avoir un kalam hassan avec son frère. S'il peut mettre la joie dans son cœur, il le fait. Et parmi ces choses, ad-du'a quand il a un enfant. هذا كلام طيب من شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. استحب للمسلم أن يبادر كذلك. يعني il faut que cette chose elle soit faite après la naissance de l'enfant. يبادر. أما des mois après l'akhirah, il n'y aura pas la même حاجة. أما le père الآن, il vient d'avoir un enfant, كل ما واحد il lui fait du'a qu'Allah lui guide son enfant, qu'Allah le préserve, فلا شك أنه سيفرح. ثم إذا ولد هذا الولد, الآن l'enfant est né. Parmi les premières sunan, le père, il annonce la bonne nouvelle à ses voisins, à ses amis et à l'akhiré. Et le musulman qu'a connaissance, يعني, s'il rencontre le père, il lui fait du'a. ثم يستحب التحنيك. يستحب التحنيك. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله قال معنى التحنيك أن يمضغ تمرة ثم يأخذها بيده ويدلق بها حنك الصبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. التحنيك هذا une fois que l'enfant est né, le père ou autre, on va voir quelques détails dans ce sujet. المهم on explique technique الآن. أن la personne elle marche une date. Il y en a l'enfant un, il n'a pas de dents, il n'a pas de... Il vient de naître. Enfin, il prend une date et il la mâche. Un adulte. Il la mâche. Thomas, il prend un morceau de cette date et il l'étale sur le palais, sur les gencives de l'enfant. Khalil. Khalil. L'essentiel, c'est qu'il goûte à cette date. Halawa. C'est sucré. Et tu sais qu'on a les dates, il y a des manafi'a kathira. ذكر ابن القيم رحمه الله بيان في ديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفزي هذا, لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفزي هذا لأمرين. قال الشيخ ابن عثيمين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لأمرين, أي التحنيك لفد ماشي لدد et de mettre un peu dans la bouche de ce bébé. النبي صلى الله عليه وسلم يفزي ça pour deux choses. قال الشيخ ابن عثيمين الأمر أول التبرك بريق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم, لأن si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui fait cette chose, c'est pas comme une autre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam يجوز التبرك به. مثلا les bienfaits de la salive du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Cet enfant, la première chose qu'il va goûter, c'est cette date avec la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Baraka pour lui. C'est pour ça que les compagnons, dès qu'ils avaient un enfant, beaucoup de compagnons, directement ils l'emmènent au prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui font du'a et اللي حنك تحنيك. فلهذا قال وأن عبد الله بن الزبير la première chose qu'il a avalé c'est la salive du prophète عليه الصلاة والسلام avec cette date. بركة بركة. الأمر الأول هذا. قال الأمر الثاني الانتفاع بالثمرة, لأن أحسن حلوى تنفع البدن وينتفع بها البدن هو التمر. نعم, كذلك une فائدة pour le corps de l'enfant, أي le goût de cette date. Les dates, on a dit, il y a des bienfaits dans les dates. Enfin, là, chaque année, l'enfant, il va profiter. Lakin, yunabbah al-an, أما في غير النبي في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع que tu prends ton enfant et tu l'emmènes مثلا vers un savant ou vers un homme pieux ou لا يجوز هذا لأن من عقيدة أهل السنة كما on a vu في كتب التوحيد كثيرا أن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز بل سفتح باب الخرافات والشرك والعياذ بالله لا personne n'est pas avoir une عقيدة صالح il peut كذا ف on ferme les portes أما النبي صلى الله عليه وسلم c'est النبي أما après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام celui qui a un enfant il l'emmène pas vers fulana ou fulana لا التحنيك le père il le fait أو la mère أو le frère أو l'oncle أو un proche ça L'essentiel, Anna, on n'a plus, il n'y a plus le sabab de profiter de la baraka de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus là. Amma Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il serait vivant, il y a douze. Amma figaï de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, là, il y a douze. Ou là, t'as بقول من زل في هذا الباب لا تغتر بقول من زل في هذا الباب فالسلامة لا يعدلها شيء كذلك ينتبه أن celui qui fait التحنيك qui va marcher cette date et qui va la mettre dans la bouche de cet enfant qu'il soit pas malade انتبه لهذا واحد إلى الأغريب واحد إلى المالادي واحد هذا لا ça peut contaminer cet enfant et il tombe malade la بد la personne Il fait les choses, يعني, حتى لا يضر هذا الولد. كذلك il fait attention de ne pas mettre une grosse date إلى آخره. فهذه الأمور معروفة في الحقيقة. خاصة عند العرب. هذه الأمور معروفة جدا. فهذه سنة سنة في الحقيقة. كثير من الناس حتى من أهل السنة إذا غفل عن هذا. إذا غفل عن هذا التحنيك. النبي صلى الله عليه وسلم لا فين منفعة. سنة سنة. فلا لا ينبغي الغفلة. Pas de technique. On va voir, il ne rase pas les cheveux. Pas de haqiqa. Qu'est-ce qu'il y a de l'humour ? Rien ne l'on fait pas. Il a commencé sa vie pas à la sunnah. Il n'a rien à voir. Il n'a pas de qudra pour l'instant. Mais l'abbé, il est muqassir. On va voir des choses. Ce n'est pas obligatoire. La technique, ce n'est pas obligatoire. C'est une sunnah. Lakin la personne, il applique le sunnah. Ça peut être la cause que ton enfant, bi-idhnillah, Allah, il le waffaq et il grandit à la sunnah. ومن الأدلة على هذا نذكر حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ولد غلام أو ولد لغلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ستموتر الدعاء Dès qu'on a dit nous tout à l'heure, tu fais du'a, na'am, tu fais du'a pour le père et pour l'enfant. Qu'Allah il facilite ton père, il te facilite ton éducation et qu'il mette la baraka dans cet enfant. Aïe, il grandisse à la sunna et il meurt à la tawhid. فهذا الحديث الآن أن أبو أن أبا موسى رضي الله تعالى عنه إلى أين أنفه؟ يسد بلاصه vers le prophète صلى الله عليه وسلم pour qu'il fasse le technique. أي le fait de marcher la date et la mettre dans la bouche de l'enfant. لكن on a dit أن هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم il n'y a plus besoin que tu te déplaces. أي واحد كلا خبرة كلا خبرة il est pas malade il a arrêté. فهذا marche cette date il la met dans la bouche de l'enfant. الحمد لله il a appliqué ce sunnah. أما الفت دوس ديبلاسي سي با مين السنن لماذا قد يقول قائل لماذا لان في زمن الصحابه رضي الله عنهم ديك لو بروفيت صلى الله عليه وسلم من مور الصحابه ils emmenaient pas leur enfant à Abu Bakr alors Abu Bakr c'est ذروة الصالحين وإمام المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالصحابة ils ont eu beaucoup d'enfants après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام on n'a pas un dalil ils emmenaient leurs enfants à Abu Bakr ou à Umar ou à Uthman ou à Ali أبدا ils faisaient ça au prophète صلى الله عليه وسلم avec le prophète صلى الله عليه وسلم لأن الprophète صلى الله عليه وسلم يجوز التبرك به t'as le droit de demander la baraka du prophète صلى الله عليه وسلم quand il est vivant مثلا الصحابة quand le prophète صلى الله عليه وسلم il faisait l'eau d'eau il récupérait l'eau à التبرك et il s'essuyait avec لأن il y a de la baraka ou ses cheveux ou sa salive ou il s'essuie contre lui ça y est juste pour le prophète عليه الصلاة والسلام أما غير النبي صلى الله عليه وسلم là c'est من الخرافات المسألة التي بعد التحنيك التسمية التسمية donner un nom à cet enfant سيأتي معنا في الحقيقة Est-ce qu'il y a un jour précis, 7 jours, 14 jours, 7 messes? Alors, on va voir, il y a un rapport avec l'aqiqa. Lakin, nous, maintenant, on cite ma yata'allaq bit tasmiya. Amma, mas'alat, quand on fait l'aqiqa, quand on lui rase les cheveux, quand on lui donne le nom, on verra ça fait l'aqiqa. الله سبحانه وتعالى في القرآن وإني سميتها مريم فلا شك أن دنيا نو ومولود سمعروف حتى عند الكفار تصور أنت أن enfant il a pas de nom. Comment tu vas le reconnaître? Comment tu vas l'appeler? Comment? Il pourra pas avoir une vie correcte هذا أبدا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال حقيقة الاسم للمولود التعريف به نعم لفت الغكنت. Il s'appelle Abdullah, il s'appelle Abdurrahman. Il s'appelle Mohamed ibn Fulan. Voilà, on sait c'est qui. Si on veut l'appeler, on sait comment l'appeler. Si on veut lui montrer quelque chose, on sait comment le contacter. Amma son nom, كيف تفعل? قال بما يميز على وجه يليق بكرامته آدميا مسلما. نعم, c'est un être humain, c'est un musulman. Parmi les choses qui vont élever cet être humain musulman, c'est son prénom. Il s'appelle Fulan, ibn Fulan. قال ولهذا اتفق العلماء على وجوب التسمية. C'est une faïda. Quand il dit le maître, il dit que c'est wajib de donner un nom. Il dit l'unanimité des savants que celui qui a un enfant, il doit lui donner un prénom. Que ce soit un garçon ou une fille. راجع رسالة تسمية المولود une رسالة طيبة الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله il a écrit une رسالة et il l'a appelée تسمية المولود c'est خاص cette رسالة elle est spécifique dans tout ce qui a relation avec les prénoms quel jour quel prénom il faut donner quel prénom il faut éviter c'est quoi les meilleurs prénoms il a appelé enfin, celui qui veut يعني ديتايي سو سوجي اي ريفيان سيت رساله ونحن نذكر بعض الاحاديث ما يتعلق بالتسميه اي اون فاغوتيغي دي فوائد الاحاديث الاول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاسماء او ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم عبد الله وعبد الرحمن حديث ابن عمر للبروفيت صلى الله عليه وسلم يموت ان لنو لي بلوز ايمي اوبخي الله عبد الله وعبد الرحمن لماذا لان تعبيد لرب العالمين عز وجل هذه افضل الاسماء رواه مسلم قد يقول قائل والبنت لان الان عبد الله وعبد الرحمن سيدينو دو غارسو على هذا وفي القياس واضح أمة الله وأمة الرحمن أمة الله وأمة الرحمن سبعيد parmi les meilleurs noms des filles لأن si le meilleur nom pour l'enfant c'est Abdullah إضافة إلى الله فلا شك que si on fait l'إضافة إلى البنت ça sera أمة الله أمة الله أمة c'est le féminin de عبد عبد الله أمة الله فهذا نستفيد أن المسلم يكثر من هذه التسمية خاصة celui qui a plusieurs enfants أما سعيد أن مسلم إلى أن جرس مثلا إذا لابلي لنون دو سياتي لنون دو سنبير يجوز أو لنون دو بروفيت إبراهيم نوح آدم إلى آخره لا بس لكن si t'as plusieurs enfants طبق سحدي t'as 4 جرس مثلا طبق سحدي أم وأن دو عبد الله وعبد الرحمن أحسن t'auras طبق cette sunnah et ce nom c'est parmi les noms qu'Allah il aime le plus عبد الله وعبد الرحمن قال الحديث الثاني حديث المغيرة بن شعبة كذلك في صحيح مسلم أنه قال لما قدمت نجران هذا المغيرة الصحابي المعروف il s'est déplacé à نجران معروف نجران la frontière entre l'Arabie Saoudite et اليمن قال سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون يا أخت هارون فبعض الناس ils ont demandé à ce compagnon Une question par rapport à ce verset. Ya ukht Harun. Qalu wa Musa qabla Isa bi kada wa kada. Comment vous dites que Maryam c'est la sœur de Harun alors que Maryam c'est la mère de Isa. Harun c'est le frère de Musa. Entre Musa et Isa, il y a des siècles. Allah a'lam kam. بعض العلماء يقول كذا كذا. المهم il y a des siècles. Comment vous dites que Maryam, c'est la sœur de Haroun? Ya ukhta Haroun. Ça leur a posé un ishkal. C'est un ishkal. Man inda ou jawab? Hein? Naam. Lakin. Ahsan, t'en as Haroun? C'est pas le Haroun, le Nabi, le frère de Moussa. C'est un autre Haroun. Alain, on va stafed de ce hadith. Comme il va nous montrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anna Maryam, son frère, il s'appelait Haroun. Aïe? Ils l'ont appelé Haroun pour rapport au Nabi Haroun avant lui. T'as fait que prendre les noms des Anbiya, c'est tayyib, c'est une sunna. قال عليه الصلاة والسلام فلما قدمت على رسول الله أو المغيرة قال فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فقال إنهم يسمون بأنبيائهم الصالحين قبلهم. هذا استفدنا من هذا الحديث أن مريم son frère Haroun, c'est pas le prophète là. Lakin, il y avait des autres Haroun après le prophète. Aïe, il s'appelait Haroun par rapport au prophète. Mais il y a beaucoup d'Ibrahim, beaucoup de Nuh, beaucoup d'Adam, beaucoup de Muhammad, beaucoup de. Aïe, Tasmiya par rapport aux Anbiya, c'est une sunna. Kadalik ou Salihin. Kadalik, le nom d'un savant, le nom d'un Salih. Il y a après, il y a du. C'est mashrou'. Al-Hadith al-Thalid, fi hadha al-bab, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. الحديث متفق عليه الى في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الان dans ce hadith نستفيد ان parmi les noms que le مسلم il doit choisir كذلك le nom du prophète عليه الصلاه والسلام. تسموا باسمي. تسموا باسمي. كذلك le prophète صلى الله عليه وسلم il rentre dans le hadith d'avant l'anbiya. فالان on a trois choses. On a trois choses. Abdullah ou Abdurrahman, c'est une sunna. Ben c'est les noms qu'Allah il aime le plus. Les noms des Anbiya, Haroun, Moussa, Ibrahim, Nuh, Salih, Shu'aib, Muhammad, il a akhiré. Troisième, hadith spécifique pour le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad. Ça va être pour les garçons. Kadhalik, le nom du père. Si c'est pas une mukhalafa. Amma si une personne il a un père, il a un autre kuffar, là il y a juste. Lakin, le nom du père, si c'est un père musulman, c'est mashrou. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, wulidali, al-layla, waladun, sammaytu bi ismi abi. Aïe Ibrahim. La chèque Ibrahim, c'est un des ancêtres du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Fait yajouz, le père, il donne l'enfant à son fils, le nom de son grand-père, le nom de son arrière-grand-père, c'est mashrou. Tant que ça khalif pas, ad-din. Amma si un nom de kuffar, ou un nom mu'abbad li ghayrillah, ou un nom, il n'est pas clair, il a akhiré, la personne, il est vite. La personne, il est vite. Al-an, n'antakil, il a toujours dans Tasmiya, بعض الأسماء تخالف الشرع. بعض الأسماء تخالف الشرع. هذه لا يجوز. كعبد النبي لا يجوز التعبيد لغير الله بالإجماع. نقله ابن حزم رحمه الله. On avait vu le kitab التوحيد. Il avait cité une exception عبد المطلب. C'est pas صحيح. On avait expliqué les détails dans le kitab التوحيد. عبد الكعبة. عبد فلان. لا يجوز هذا. Ça c'est حرام. لأن التعبيد لله. Aïe, le fait de dire Abd, ça doit être un nom d'Allah après. Amma al-an, muntashir Abd al-Nabi. Abd al-Nabi, la yajouz. T'es pas un Abd al-Nabi, anta. Là, t'es un Abd al-Allah. Amma al-Nabi, c'est une créature. T'as pas le droit, hein. Kadalik, asma al-kuffar. Asma al-mukhtassa bil-kuffar. Il y a des kuffars, ils ont des noms de musulmans. Un kafir, il s'appelle Mohammed, un kafir, il s'appelle Abdullah, un kafir. Là, nous, le nom qui est khas pour le kuffar. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما الأسماء الغربية فهي إن كانت من الأسماء المختصة بالكفار فهي حرام. لا يجوز هذا. تتعجب مسلم إلى appelle son fils un nom d'un كافر. والله لا جامي بأن كافر إلى appelle son enfant محمد أو عبد الله أبدا. أنت تجابي في فرنسا أو إستاتيني أو أن أنجلتير أو إلى appelle son fils محمد أو عبد الله أبدا. والله بعد الكفرة تلموا كي دتس الإسلام. والله ils ont des animaux et ils leur donnent des noms de musulmans. Fulan il a un chien, il lui donne un nom de muslim. Ihtiqaran lil muslim. Nahnu, tu trouves ashabna, ils ont dans une rafla chadida, il a un enfant, il l'appelle Taqillah. Taqillah. Anta, t'as une mahabba pour ton ami, si tu es un musulman. Appelle avec les choses que tu aimes le plus. Les Anna, Anta, l'enfant, tu vas lui donner le nom de quelque chose que tu aimes. C'est obligatoire, c'est dans le fitra. Et n'oublie pas, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, si tu aimes Steve et Foulan et Foulan, yom qiyama, tu seras avec eux. Amma, si tu aimes le prophète, tu aimes les rasoul, tu aimes les salihin, tu aimes les muslimin, fa bi'idnillah yom qiyama, tu seras avec ceux que tu aimes. Mas'ala. Ou qabla hada kadhalik yunabba, anna ba'd l'asma tujtanab. Asma al-malaika. Mais pas de haja. Tu vérifies les noms des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne trouveras pas un nom de malaïka. Jibril ou Abadan. Ou Salaf Saleh. Ils étaient ba'id à l'an. Ces choses, ce n'était pas ma'arouf عند Salaf. Al-Afdal, ishtalib. Afdal. Il n'y a pas de haja. Fi hada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a montré, tu donnes le nom des anbiya, pas des malaïka. Kadhalik, il y a des noms, il y a une tazkiya. Shamsuddin, Nuruddin, Taqiyuddin. Qamar al-Din, il a akhiré, hadi tu jtanab. Je ne sais pas si ton enfant va être Shams al-Din ou Shams Matadri. Écarte-toi min hada. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala salama wa al-afiya. Ba'd al-Nas, ils appellent leur fille Iman, Ihsan, il a akhiré. Hadi c'est une tazkiya. Al-Muslim, la yuzakki nafsa. La yuzakki nafsa. Et ça sera un khayr, les compagnons, ils auraient donné ses noms. Ils les connaissaient, lakin ils ont évité tout ça. Al-An, il y a une autre masala. Si. Le père il s'est trompé, il savait pas maintenant. Il savait pas. Alors, Anta, tu grandis, tu as été élevé par des koufars et t'as un nom. Est-ce que tu le changes ou pas? Là, chaque année, mais la sunna, tu changes ce nom. Tu changes. Celui qui a un nom. Alors, il s'est trompé son enfant maintenant, il l'avait appelé Kada, il savait pas. Il l'a appelé maintenant Shamsuddin, il savait pas. Là, ben, tu changes le nom. Ou Dalil, Hadith ibn Umar, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ghayyara ism Asiya. Une femme à l'époque du prophète, elle s'appelait Asiya, min al-Asiyan. C'est un ism, il est qabih. Tu appelles quelqu'un Asi. Elle ne savait pas. Le prophète, il a dit, il lui a donné un nom. Il a Hassan, Jamila. Amma Asiya. Les gens ils peuvent se moquer d'elle, il a akhiré. Tu peux changer. Kadhalik Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a changé son nom. Il s'appelait Abdi Shams. Quatre des sahaba avant l'islam, ils avaient des noms. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il changeait les noms. Anta Abdullah, Anta Abdurrahman, Anti Jamila, il a appelé. Famina Sulam, la personne, il ne doit pas avoir de dhiq dans ça. Il ne doit pas, il pense que ça ne se fait pas, ou là. Tawakkal ala Allah, change le nom, et ahsan lak. Wa ahsan li hada al-walad. Après le tahliq ou le tasmiya, on va rentrer dans mas'alat al-aqiqa. C'est une ibadah azima. Ghafala anha ba'd al-muslimin, lil'asaf. Ba'd al-muslimin, ils ont une ghafla fi al-aqiqa. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهرق عنه دما وأميط عنه الأذى فهذا الآن هذا الحديث إنه مطخ مشروعية العقيقة مشروعية العقيقة سيأتي معنا إسكسو بلغات وغملة الحديث رواه البخاري. أولا on retire de ce hadith comme فائدة حلق الرأس أي le fait de raser la tête de l'enfant. النبي صلى الله عليه وسلم قال وأميط عنه الأذى. العلماء ils ont expliqué الأذى هنا c'est الشعر. Tu rases la tête de cet enfant. Il y a un autre hadith, il est plus clair sur halq al-ra's. Rawah al-Imam Abu Dawud an Burayda radiyallahu ta'ala anhu qal: "Kunna fi al-jahiliyyah idha wulida li ahadina ghulam dhabaha sha'." Si à l'époque avant l'islam, jahiliyyah, ils avaient un enfant, ils appliquaient déjà hada. Ils égorgeaient sha', ay un mouton. Qal: "Wa nutikha ra'suhu bi damiha." Ça, c'est une sunnah al-jahiliya. Ils prenaient le sang de cette bête et ils l'étalaient sur la tête de cet enfant. Qala falamma jaa Allah bil Islam kunna nadhbah sha. On dort toujours. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a approuvé Ada le fait d'égorger pour cet enfant. T'égorges l'illah, lakin le sabab c'est l'enfant. Qala wa nahluq ra'sahu wa nulattiquhu bi za'faran. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aura remplacé le sang par za'faran. Ash-shahid min al-hadith wa nahluq ra'sahu. Aïe, il rase la tête de cet enfant. Hada c'est min al-sunan. C'est min al-sunan. Baqiya al-waqt. Baqiya al-waqt. Quand est-ce qu'on rase la tête de cet enfant? استحب كثير من اهل العلم ان يحلق شعر الغلام يوم سابعه le 7e jour. Ça c'est min bab al-afdal. Et ils sont basés sur le hadith Samura ibn Jundub radiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كل غلام مرتهن بعقيقه تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. Trois choses le 7e jour. العقيقه t'égorges, tu rases la tête et tu lui donnes un prénom. Tu lui donnes un prénom. Ça c'est min bab al-afdal. Ça c'est min bab al-afdal. Amma, t'as le droit d'appeler l'enfant le premier jour. T'as le droit de faire l'aqiqa le deuxième jour, comme ça y a-t-il. T'as le droit de le raser le quatrième jour. Aqiqa, il y a des hadiths avec des périodes. Al-ulama, ils expliquent que c'est min bab al-afdal. كذلك البخاري رحمه الله إلى ستة الحديث في صحيحه إلى مطخ رحمه الله كما قال الحافظ أن السيتو في العقيقة لميو سيد غبسي لفت دو غازي إلو نون لسجم جور تفتو لمم جور كما في هذا الحديث. أما بعض الناس يفل با في العقيقة أو يبف با ففي هذا الحال لا بس إلو دن لنون برومي جور وعلى كل حال يجوز يا با أن وقت معين لكن تسع سمين باب الأفضل. مسألة أخرى متعلقة بحلق الرأس. Est-ce que c'est خاص pour الذكر أو كذلك الأنثى؟ Est-ce que tu rases la tête du garçon et de la fille أو c'est que pour le garçon؟ العلماء اختلفوا. ظاهر الحديث il nous montre que c'est pour les deux. ظاهر الحديث يعني c'est pour l'enfant. الحديث هنا يا غلام قد يقول قائل الغلام c'est le garçon. فبعض العلماء ils ont pris le غلام. Il y a des choses, elles montrent que c'est pour l'enfant. Enfin, les ulama, ils ont dit que c'est pour les deux. Ah, à la coulée, c'est une masala sahla. Sahla. Celui qui rase ou qui ne rase pas, aslan, le fait de raser la tête, ce n'est pas obligatoire. Lakin, yani, les ulama, ils ont montré que c'était khas pour le garçon. Al-ma'rouf, sahih, anna hada, ça se fait katir pour les garçons, faqad. اختار أن الحلق خاص للغلام أي الذكر العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكثير من الحنابلة والأمر نادي واسع الأمر دي واسع celui qui veut raser la tête de la fille يجوز له celui qui veut pas لأن ça se fait pas إلى آخره له ذلك فلا بأس أما le garçon لا شك أنه يستحب له le garçon إجمع أنه c'est مستحب de raser la tête de l'enfant. بقي مسألة ونقف هنا. هناك سنة كذلك أن si on rase la tête de cet enfant on pèse les cheveux et on sort une صدقة en argent فضة. قال عليه الصلاة والسلام أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تتصدق بوزن شعر الحسن والحسين من الفضة. الحديث لحسن المحدث الإمام الشيخ الألماني عليه رحمة الله فسلوي كان فيك cette سنة. طيب طيب une fois qu'il a rasé il regarde يعني la valeur en argent الفضة et il sort en صدقة. مثلا la valeur on dit un exemple ça va être 15 euros ف 15 euros il fait صدقة مساكين des habits le nourrit إلى آخر. هذه سنة يعني الطيبة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. on voulait finir لكن للأسف سهل بقي قليل. on a pris كثير من الأحكام. il reste tout ce qui est en relation avec العقيقة et le khitan. L'aqiqa et le khitan, la circoncision, tout ça, imma demain ou samedi. Al-afdal samedi, nastarih un peu vendredi, et samedi, bi-idhnillah azza wa jal, on finira cette kalima, tout le monde commence le kitab. Inch'Allah, on finira en une demi-heure, hakada, emmenez le kitab. On commencera un nouveau dars sur le qawa'id al-fiqhiyya. Emmenez votre kitab, on finira cette kalima, tout le monde. On rentre dans le nouveau kitab s'il reste du temps, bi idhnillah azza wa jal. من عنده شيء فائدة أو تنبيه قبل أن نقف. واضح؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. يوم السبت إن شاء الله.